Bien, bah merci d'être venu pour la deuxième séance du séminaire politique des sciences. Il y a eu une petite interruption en novembre pour des conflits d'agenda. Bon, on recommence aujourd'hui. Après une première séance bon, un peu, comment dire, disruptive, entre guillemets, qui était consacrée au start-upping, on a essayé de déconstruire ces questions avec des collègues qui travaillaient de l'intérieur hein, sur ces logiques, du point de vue ethnographique, et aussi Monsieur Entrepreneuriat de PSL, qui nous a livré sa vision. Bon, c'était un échange assez intéressant en termes de produit aussi de la donnée, hein, c'est un séminaire d'enquête collective. Aujourd'hui, je ne sais pas si on poursuit, mais en tout cas, on va essayer de réfléchir sur des contre-modèles, peut-être, hein, ces transformations de l'ESR contemporain, et voir dans quelle mesure ça pourrait prendre place, prise, dans des mobilisations sur ce que j'ai pompeusement qualifié de ruines de l'université contemporaine. Alors, je vais commencer par un détour, cette présentation. Il se trouve que je lis un ouvrage en ce moment de Christian Jacob, Des mondes lettrés au lieu de savoir, pour faire une recension. Et je le lis pas sans arrière-pensée, car en fait ça entre en résonance avec les préoccupations de ce soir. Cette question de savoir, de lieu de savoir, de pratique de connaissance, médiée et façonnée par des dispositifs matériels et des cadres d'expérience intellectuelle. Des techniques du savoir qui sont mises à l'épreuve dans l'histoire très longue des savoirs. Il remonte à la bibliothèque d'Alexandrie, ces travaux classiques qu'il avait faits il y a un certain nombre d'années, jusqu'à la connaissance 2.0 du blogging, des humanités numériques et retour. Alors, Christian Jacob, il n'est pas nostalgique pour autant, même s'il s'intéresse à des savoirs très anciens. Contrairement à d'autres, je sais pas que c'est bien ou mal, hein. Il ne s'inquiète pas de la prolifération des nouvelles formes d'inscription et de construction des savoirs instrumentés par des outils et des logiciels. Il use du blog, il médite parfois à coups de tweets, il pense l'appropriation vertigineuse mais raisonnée des masses de données numérisées par les bibliothèques en ligne. Et tant qu'on cherche, c'est bon à prendre, dit-il, hein, ce qu'il théorise dans un ultime chapitre inédit, Qu'est-ce que chercher, qui est consacré à l'heuristique. Alors, il est affaire de sérendipité, un mot affreux, mais désirable du point de vue des aventures de savoir qu'il promet, du plaisir de se laisser porter par l'enquête, les objets improbables, les revirements et les bifurcations heureuses, l'entrelacement des disciplines. Alors, il y a aussi les joies de la recherche collective, celle qui se déploie aussi à travers les échanges en séminaire. Il insiste beaucoup sur le format séminaire, ici même d'ailleurs, puisqu'il tient encore son séminaire d'anthropologie des savoirs. Alors, il est très attaché à une certaine idée de l'école des études en sciences sociales, où il a fait une bonne partie de sa carrière. Il rappelle combien elle promeut et promet encore la recherche telle qu'il l'entend, telle qu'il l'attend. Oui, mais. Tout cela est très enchanté, enchanteur même. L'auteur s'en rend compte. À la toute fin du chapitre, hein, ça conclut presque l'ouvrage, en deux paragraphes de conclusion très concis, deux petits paragraphes, il évoque ce qu'il qualifie d'envers du décor. Il dit, je le cite, page 435, J'espère ne pas avoir donné une idée trop abstraite ou idéalisée de la recherche. Nous connaissons tous l'envers du décor, en particulier pour nos étudiants, les doctorants et postdocs. La précarité des contrats, qu'en contrat il y a, la rareté des postes, la forte compétition sur le marché professionnel et parfois l'opacité des recrutements, parfois. Les moments de solitude et de découragement, les doutes, les multiples obstacles sur la route. Le travail intellectuel est à la fois un métier, alors c'est un nouveau paragraphe, c'est la sortie, une vocation, un savoir-faire. C'est peut-être et avant tout une aventure de vie où l'homme, et la femme, je précise aussi, et l'œuvre s'invente, s'écrivent et se lisent dans un entrelacement imprévisible. Alors tout cela est dit avec tact, mesure, une idéalisation de rigueur qui est contenue par l'exigence d'un froid réalisme. Dans le décor, il y a ces réalités qu'on ne saurait voir, qu'on fait mine de ne pas voir parfois, qu'on accepterait malgré tout, et puis après tout, c'est de l'ordre de l'évidence, car nous les connaissons tous. Elles feraient partie du décor, hein, ces réalités. de son envers, donc la précarisation, la fragmentation et la dislocation des marchés professionnels ne sont pourtant pas de ces choses que l'on envoie dans le décor. Et c'est en cela que la description personnelle de Christian Jacob est idéalisée. Et disons qu'elle manque, ou feint de manquer, l'essentiel, me semble-t-il, que c'est devenu par la force des choses, dans l'ordre des choses, l'endroit du décor. Non plus les coulisses qui se dérobent au regard du commun, mais la scène même où se joue, en plusieurs actes, le drame de la destruction de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je renvoie une nouvelle fois au diagnostic de Christophe Granger, qui nous avait servi de trame sinistre lors d'une séance de politique des sciences l'année dernière. Cette pièce est de plus en plus occupée par des gens qui aimeraient jouer les premiers rôles, entrepreneurs de la cause entrepreneuriale, néo-managers, publicitaires et consultants de la Corporate University, qui enjoignent les anciens acteurs à apprendre les nouveaux scripts et mots d'ordre, ou bien à quitter la scène. Alors, il y a quelque chose de contre-intuitif à imaginer que la séance d'aujourd'hui puisse traiter des alternatives à ces involutions, de passer du temps à réfléchir sur d'autres idées d'université, d'une université autre, précisément parce que l'université zombifiée par la course aux classements internationaux, la business schoolisation, la recherche de la visibilité de marque sur le marché public-privé de l'enseignement supérieur, label rouge, mais aussi la digitalisation des contenus et des contenants, les formations EdTech, les pépites d'entrepreneuriat, start-upping, la banalisation des bullshit jobs dans les strates techno de la gouvernance des universités, bref, tout cela, c'est pourtant du moins, cela devrait apparaître pour ce que c'est-à-dire l'altérité radicale de l'université, c'est-à-dire une aberration. Si on est arrivé à ce point de déréliction, c'est que ça va mal. Mais tout n'est pas perdu. C'est le moment de salut de ma présentation. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui, même si on n'est pas hyper nombreux. Ça, c'est une autre question. Ça frémit encore, l'idée d'université émancipatrice, l'idée dans laquelle se reconnaîtrait une communauté de pairs, dans la collégialité et la culture d'un ethos à partager. L'université tout court, donc, elle court encore. Ce n'est pas un vain mot, la partie n'est pas perdue, il reste encore quelques actes à jouer. C'est entre autres une certaine conception du travail intellectuel dont parle Christian Jacob, qu'il s'agirait de remettre sur le métier, d'en faire ressortir la grandeur, d'assumer avec intransigeance que ces aventures doivent se dérouler sans plan, ni business plan, que la mise en œuvre par laquelle la travailleuse ou le travailleur se retrouve est non négociable. C'est très pompeux, j'en conviens. Il fallait quand même commencer en plantant le décor de façon solennelle. Alors, aujourd'hui, donc, deux communications sont prévues. Alors, on va commencer par Patricia Paul, qui est maître de conférence à l'Université Paris-Est Créteil, en sciences de la gestion, qui nous présente un exposé intitulé « Pour une internationale des savoirs pour tous », dont le titre annonce la couleur, une couleur peut-être, rouge. Connaissant très bien de l'intérieur la façon dont certains dispositifs ont été conçus et implémentés dans l'Europe lisbolonisée de l'ESR, pourra nous offrir non seulement un point de vue critique informé, mais en plus des pistes pour approfondir et affranchir les savoirs de la passion de l'excellence, pour reprendre un titre d'un de tes papiers, passion dont certes nous pâtissons. Ensuite, Christian Laval, et qui est professeur de sociologie à l'Université Paris-Ouest Nanterre, la défense, c'est long. Non, ça a changé. faut que je paye. Paris-Nanterre, ouais, c'est plus simple. Disons, je peux mettre la défense, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, finis la défense, ok. Donc, il nous présente un exposé intitulé L'université comme commun. Sans doute en ligne et en continuité avec des travaux antérieurs, notamment commun, essai sur l'évolution au XXIe siècle, écrit avec Pierre Dardot. Lorsque j'avais invité Christian à l'une des séances de PDS l'année dernière, invitation reportée pour cause d'incompatibilité d'agenda, il m'avait proposé ce sujet que je, pour reprendre ta formule, casse-gueule. Et il avait bien fait, car c'est tout à fait dans l'esprit de l'université que j'ai résumé juste avant, de proposer des choses un peu aventureuses. Donc je vous confie maintenant la parole. Vous avez 30-45 minutes et je ne vais pas non plus domestiquer le chronomètre, on est entre nous, tout va bien. Après quoi, on lancera la discussion, on fera tourner la discussion dans la salle. Donc je te laisse commencer, Patricia.